midi. Émission dédiée à la vie de quartier. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est William qui reprend le micro, comme chaque jeudi à cette heure-là. Voilà, je suis content de vous retrouver. Alors, quelques informations à l'origine. J'avais prévu de rediffuser l'émission de la semaine dernière, qui était une émission super, vraiment j'ai trouvé intéressante à tout un tas de niveaux, sur les jardins partagés, avec pas mal d'interlocuteurs qui nous ont fait l'amitié de nous rencontrer ici. Vraiment, c'était à la fois chaleureux, très complet, très concret aussi. Voilà, c'était intéressant, donc je regrette beaucoup. On a eu un problème technique. L'ordinateur qui est situé dans le bureau derrière moi, dont je n'ai pas la clé, a planté dans la nuit. Et donc l'enregistrement dit automatique n'a pas fonctionné. D'ailleurs, pour information, l'émission d'aujourd'hui, j'ai mis en route un logiciel sur l'ordinateur qui me permet de piloter l'émission pour pouvoir l'enregistrer moi-même, parce qu'il y aura moins de certitude, peut-être qu'il sera enregistré en double, mais si j'ai besoin de la réutiliser, on pourra toujours le faire. Donc, au lieu de cette émission-là, je vais vous proposer aujourd'hui un reportage qui a été réalisé, que j'ai réalisé en partie, une autre partie par un autre animateur, Michel, que vous connaissez bien, au Salon Asphodel, le salon bio maintenant très connu sur la région. Donc voilà, je m'y suis promené, Michel aussi, et on a fait un petit montage, et on va essayer de vous proposer une visite guidée un petit peu de ce salon là. Voilà comment ça va se passer aujourd'hui. Donc on va commencer cette visite par en écoutant l'organisatrice, une des organisatrices de ce salon, qui s'appelle Charlotte, qui a eu la gentillesse de me recevoir, qui a pris le temps, on a bien discuté quand même, et qui nous a présenté l'édition 2019. Elle évoque aussi un peu l'édition 2020, parce que l'édition 2020 marquera les 25 ans de ce salon à Pau, et que, ben, comme elle le dira, ça va être, je crois, pour eux et pour nous tous, une fête qui s'organisera, et on essaiera l'année prochaine d'être présents peut-être encore davantage, y compris dans les conférences. Donc, dans un premier temps, je vous propose d'écouter l'interview de environ 9 minutes que j'ai réalisée auprès de Charlotte, et on se retrouve après, et on mettra un peu de musique aussi, évidemment. Voilà, je vous laisse avec une des organisatrices du salon Asphodel. Asphodel, qui est quand même maintenant, ça c'est l'édition, c'est le numéro ? La 24e édition. 24e édition. Tout à fait. On fête nos 25 ans l'année prochaine. Ça va être une fête. Une fête. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est devenu quelque chose maintenant de, comment dire, c'est un point de repère. Tout à fait, exactement. C'est un rendez-vous qui est attendu pour les Palois et même des visiteurs plus larges, hein. Les gens viennent de loin pour faire des achats, faire des courses pour l'année, tout ce qui est produits frais, parce qu'on a énormément de producteurs transformateurs. Avant tout, voilà, c'est ça qu'on aime proposer, en fait, le local en bio, avec des gens qui respectent leur façon de travailler et l'environnement. D'accord, vous êtes attentif donc avant que les gens exposent à ce qu'ils vous disent de leur mode de production, par exemple, soit réel quand même, c'est-à-dire vous jetez un petit coup d'œil. Tout à fait. On suit les cahiers des charges de la bio. On suit aussi la charte des salons et foires bio de France, qui a été réalisée il y a fort, fort, fort longtemps. Donc, on s'appuie sur de bonnes bases. Et on demande, on a un comité de sélection. On demande les certificats des produits. Ou bien en commerce équitable aussi, on demande une traçabilité. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on suit de près. Donc, ça veut dire qu'on peut, bon, pour les gens qui nous écouteront, on peut avoir confiance. Quoi, parce que les exposants qui sont là, c'est du sérieux. Tout à fait. Alors, vous disiez local, j'ai quand même vu sur certaines interviews qu'un des amis a fait, chroniqueur, il y en a qui sont quand même assez éloignés, non ? Et on a les produits d'Italie, parce qu'on ne les fait pas chez nous. Et que c'est quand même vachement bon. Et que voilà, l'Italie, l'Espagne, ça reste pas trop loin. Après, Allemagne, non, on n'a rien. Et la Grèce. Voilà, la Grèce, c'est vrai que... On a des producteurs, hein, ce sont des producteurs transformateurs qui viennent de Grèce. Et voilà, c'est pareil, c'est des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. D'accord. Et au niveau des conférences, il y a beaucoup de choses aussi, hein ? Oui, il y a beaucoup de choses. On est à plus de 35 conférences cette année. On a 3 salles maintenant. Et voilà, on traite tous les sujets de l'habitat, du bien-être, de l'agriculture aussi. Là, on a une conférence cet après-midi sur les problèmes urbains, tout ce qui est circulation. Voilà, on essaye d'être sur tous les sujets, quoi. Les cycles, vous avez quelque chose donc, qui est posé pour les vélos, pour favoriser, je dis ça parce que récemment, j'ai eu l'occasion d'inviter à RPO l'association pour un vélo. Oui, tout à fait. Voilà. Mais l'année dernière, ouais, on a eu une conférence, je crois que c'était le monde diplomatique qui l'avait, ouais, organisé, en lien avec pour un vélo. Très bien. Et on a eu des acteurs palois locaux, ouais, qui sont venus parler du trafic, de ceux qui vivent, des problèmes, et ils ont essayé de trouver voilà, des solutions aussi. Je crois que c'était en lien avec les problèmes de Paris. Parce que le monde diplomatique nous envoie pas mal d'intervenants, en tout cas de journalistes, de grands journalistes parisiens. C'est bien. Oui, donc pour les gens qui viennent, ils trouvent du local, ils trouvent des réponses peut-être à leurs questionnements sur des problématiques actuelles. Par rapport à l'environnement, par rapport à l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange, etc. C'est quand même ce sont des aspects aujourd'hui qui sont devenus quasiment fondamentaux, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai qu'au départ, quand on a démarré le salon il y a 24 ans, la bio n'était pas du tout répandue comme aujourd'hui. On était montré du doigt, c'était des hippies, c'était des... Enfin voilà, c'était décrié. Et aujourd'hui, c'est reconnu et validé par tous. On en trouve partout, sauf que, bien évidemment, c'est un grand débat. Il y a différentes bio. Oui, dites-moi un mot. Eh bien, de ce fait, il vaut mieux prendre un petit producteur ou un moyen producteur, que ce soit via les AMAP ou via le marché bio qu'il y a maintenant à Billère, plutôt que d'aller en grande surface ou en épicerie. En épicerie fine aussi, ils font de la bio. Mais la bio vient de loin. En général, c'est absolument pas du local, donc ça ne fait pas travailler les gens d'ici. Mmh. Et ça déjà, et c'est aussi carbone. Voilà, exactement. Bon, l'empreinte carbone, c'est vrai qu'on en est loin. Enfin, c'est impressionnant. C'est bien de se poser la question, mais si déjà on arrive à faire bosser les gens d'ici. Ouais. Je trouve que c'est l'essentiel. Et en plus, ils le font de façon propre. Si on choisit l'agriculture biologique, c'est encore plus formidable. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Vos objectifs premiers, c'est celui-là, soutenir l'agriculture et les produits bio locaux, fabriqués localement, et trouver des modes de distribution qui soient, on va dire, un peu plus qu'acceptables. Parce que quand on se promène dans les magasins bio aujourd'hui, même ceux qui sont réputés, bon, épicerie, etc., je ne veux pas donner de nom particulier, mais on est surpris de voir qu'à cette saison, par exemple, il y a des épiceries bio qui vendent des tomates, par exemple. Oui, c'est un exemple simple et qui continue à être d'actualité. Hein, on trouve en parler. Oui, on trouve des poivrons, on se demande, ils viennent d'Espagne, est-ce que les critères bio sont les mêmes que chez nous ? On n'en est pas sûr. Donc c'est important quand même, cette démarche-là. Tout à fait. Alors là, il y a un cahier des charges au niveau européen qui a été revu à la baisse pour satisfaire les grands industriels, parce que si Carrefour, si Intermarché, Auchan, etc. se mettent à la bio, bien évidemment, ils ont appuyé sur la pédale pour faire alléger le cahier des charges, on va dire, hein, pour qu'ils puissent y rentrer, sinon c'était pas viable. Par contre, le cahier des charges AB est plus pointilleux, voilà. Logiquement, je veux pas trop dire de bêtises, mais il me semble que il est toujours appliqué en France, mais ça, j'ai un petit doute. Voilà, ça serait bien qu'on ait une conférence sur ça. C'est-à-dire que le logo AB, il y a le logo européen. Ouais. Et le cahier des charges de la France, ça a été un cahier des charges indépendant pendant très longtemps et pionnier, et il est beaucoup plus rigoureux. Voilà. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, vu qu'il y a le cahier des charges européen, est-ce qu'ils sont obligés de mettre le logo européen et AB, ou est-ce que l'européen... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Voilà. Et l'européen, ce n'est pas pareil qu'Écocert, si ? Non, alors, Écocert, c'est un organisme. Oui, c'est un organisme. Voilà, tout à fait. Parce que ce qui se dit souvent pour les utilisateurs, c'est qu'Écocert serait plus exigeant qu'AB. Vrai ou faux ? Alors, AB, en fait, c'est le label Écocert. Ils appliquent le cahier des charges AB. Ouais. Vous voyez, Écocert, c'est un organisme de contrôle comme mince, ça me revient pas. C'est pas Qualité France. Il y en a plusieurs organismes de contrôle en France. Voilà. Écocert a pris le marché. Ça, il y en a beaucoup. Il y a Nature et Progrès aussi. Nature et Progrès, par exemple, ils sont beaucoup plus stricts que le label AB. Mais le label AB, c'est le label national, on va dire. Et ensuite, il y a le label européen. D'accord. Et Écocert sont capables de contrôler suivant le label AB ou le label européen. Okay. Mais ça, c'est très bien d'avoir posé la question parce que voilà, ça serait bien qu'on ait une conférence sur ce sujet pour y voir plus clair. Donc, ce sera pas mal pour l'année prochaine. D'ailleurs, je passe une annonce. Voilà. Le CIVAM Bio ou la Confédération Paysanne veulent mettre à jour nos connaissances, on serait ravis. Confédération Paysanne, moi j'ai assisté il y a quelques temps au Jardin du Mus, j'ai assisté à une conférence par un monsieur extrêmement qualifié en la matière, notamment sur les graines anciennes et la qualité nutritive et tout le circuit, évidemment complètement opposé aux graines F1 par exemple. Donc on a là quelque chose de vraiment intéressant. Oui, tout à fait, parce que ça bouge, les choses bougent et même nous des fois, on a du mal à suivre, surtout que des fois c'est fait d'une façon... sous la table, exactement. Oui, vous dites ça bouge, c'est le titre de l'émission, donc c'est super. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter qui pourrait intéresser les auditeurs par rapport au salon ou plus largement, j'allais dire au combat qui est le vôtre, au combat, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas à l'orientation de vos actions. Oui, et bien nous on est un salon indépendant. Voilà, on est un salon familial parce que on travaille tous ensemble depuis longtemps et c'est aussi c'est notre patte en fait. Et après, on essaye chaque jour de modifier nos façons de faire, nos façons d'agir. Et je crois que chaque jour, c'est intéressant de se poser la question de comment je peux changer ceci ou comment je peux changer cela. Voilà, parce que le tri des déchets, c'est bien, mais si on arrive à ne pas faire de déchets au départ, c'est quand même formidable. Ça sera mon mot de la fin. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Donc, vous êtes une des responsables de l'organisation. Oui. Hein. D'accord. Tout à fait. Votre nom, c'est Charlotte Dufresne Le Floch. D'accord. Merci beaucoup. Avec Merci, plaisir. À bientôt. Ça bouge. Eh oui, ça bouge sur la Réunion. Comme tous les jeudis, en fin d'après-midi. Émission dédiée à la vie de quartier. Quartier. Rebonjour à tous, rebonjour à toutes. Voilà, vous avez eu la présentation du salon Asphodel par Charlotte, que j'ai trouvée intéressante, qui permet vraiment de comprendre la dynamique, les orientations, et puis qui nous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Alors on va se mettre, pour se détendre un peu, une musique pour quelques minutes et ensuite je vous proposerai une promenade assez rapide, un petit quart d'heure, d'une dizaine d'exposants, le reportage aurait été effectué par notre ami Michel, d'une dizaine d'exposants très divers, qui sera une bonne représentation des corps de métier, des personnes qui ont exposé à Asphodel. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour embrayer sur ce reportage, le reportage suivant. ce stand, c'est le stand de l'ASPAD. C'est pour le peuple d'Amérique latine qui vient là chaque année depuis que Asphodel existe. Et donc, ce sont des gens de la montagne qui font tous ces articles-là en alpaga, avec des motifs extraordinaires, etc. Des bagues, des choses pour les petits, des choses pour de l'artisanat. Et on a aussi, oui, voilà, la solidarité avec Haïti. On a fait ça depuis quelques années, depuis que Haïti a été embêté. Enfin, pire qu'embêté. Et puis, voilà. Il y a des instruments de musique. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume Fourès, je suis devenu bottier il y a un an et demi, j'ai repris une entreprise de monsieur qui s'appelle Jean-Michel Auriol, qui m'a appris le métier, donc de travailler le cuir. Et donc on travaille avec du cuir en tannage végétal, mimosa quebracho. L'idée c'est d'avoir une chaussure qui reste le plus longtemps possible dans la vie, donc c'est une chaussure qui va se réparer à vie, donc de la semelle au corps jusqu'au devant, derrière de la chaussure. Donc il y a des chaussures qui reviennent qui ont 25 ans, juste pour un semelage. Et donc voilà. Et bonjour, donc ça c'est le stand du Biogerme, groupement de producteurs dans le Lot-et-Garonne. Nous sommes 12 fermes à produire des semences biologiques. Nous commercialisons ensuite ces semences en commun à Montpezat d'Agenais dans le Lot-et-Garonne. Nous faisons essentiellement des variétés anciennes et locales. Nous avons à peu près 450 variétés. Oui, bonjour, donc moi c'est Bakline Famdine, je suis maraîchère bio en Dordogne, sur Javert-Lac. C'est ma première année d'installation, donc je fais des plants, des légumes, des plantes aromatiques et médicinales que je transforme en tisane. Et mon associée, Elodie Plassin, elle fait des aménagements comestibles, des compositions comestibles dans des pots recyclés. Et elle développe une activité de production de champignons et arboriculture. Voilà. Bonjour monsieur. Donc je me présente, Wesley Savarino, je suis artisan coutelier en Ariège. Je fabrique des couteaux depuis une vingtaine d'années, donc avec des lames en acier, donc un acier qui s'oxyde, qu'on sèche, mais qui s'affûte facilement, qui coupe très longtemps, rien à voir avec les inox de mauvaise qualité. Je me sers pour mes manches de bois de pays que je cherchais dans les forêts de ma région, donc l'Occitanie, l'Ariège plus précisément, au pied des Pyrénées, donc vous avez du buis, du genévrier, du noyer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du frêne, de quelques oliviers que l'homme me donne. Ensuite, on fabrique aussi des outils en damas. Donc le damas, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs métaux qui sont forgés ensemble comme une pâte feuilletée. On allie en fait deux qualités mécaniques. Un acier très dur, un acier très doux. Les deux forgés ensemble donnent une lame belle, mais surtout qui coupe et qui est moins cassante que l'acier classique. Je commercialise également la dernière pierre naturelle de France pour l'affûtage, qui est extraite et produite à côté de chez moi. Donc c'est un vrai caillou, un gris schisteux. Chaque pierre est taillée à la main et elle fait un affûtage incomparable. C'est surtout un outil pérenne. On a tous le souvenir de la pierre à affûter du grand-père qui date d'Hérode, qui a 70 ou 80 ans, toute déformée. Ça c'est la même chose. Donc on l'utilise mouillée, on la nettoie sous l'eau et il n'y a rien de mieux. Ensuite je fais quelques outils de cuisine, donc des lames toujours en acier avec des manches en buis. Quelques bois sont en ébène qu'on fait venir d'Afrique mais dans une filière normée. Beaucoup de lames en acier pour la qualité de coupe, quelques-unes en inox. Et donc ça c'est une maison qui est voisine à la mienne avec qui je travaille depuis une vingtaine d'années. Des outils simples, efficaces et pérennes. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Vincent Dechâtre, je suis commerçant en épices bio et thé bio, donc pour l'entreprise Couleur d'épices, basée à Nantes. Le principe est assez simple, nous avons sélectionné nos coopératives et producteurs, bio bien évidemment. De là, nous faisons venir les épices en France. Elles sont recertifiées par EcoCert de façon à avoir un contrôle vraiment probant. Et à partir de là, nous faisons nos mélanges maison. C'est-à-dire que nous sommes transformateurs et nous faisons des mélanges d'épices pour différents plats pour simplifier l'utilisation des épices. Et ce sont des mélanges qui sont évidemment bio et sans sel. Bonjour, Fabien Gordon, paysan herboriste de la ferme Cobrac, la ferme des médicinales à Batcheux de Béarn. Donc je suis producteur en bio et nature et progrès de plantes médicinales. Et je produis avec ces plantes différentes choses, des tisanes thérapeutiques et aromatiques, des sirops, des huiles de massage également. Et j'utilise également le sel de salice de Béarn pour en faire des sels aromatiques. Voilà à peu près la gamme que je propose ici. Voilà, le petit Pyrénées Bio, une petite coopérative, une dizaine d'éleveurs, tous du 65, qui sont regroupés pour vendre sur les marchés bio de Bière et du carré producteur à peau toutes les semaines, bœuf, veau, porc et agneau, produits frais, secs, transformés. Alors bonjour, donc je suis boulanger bio, donc que des farines biologiques. On est situé dans les Hautes-Pyrénées à Saligosse, donc c'est à côté de Lucin-Sauveur. Bonjour. Donc on travaille du pain au levain naturel. Donc c'est une fermentation longue. Il faut compter 5-6 heures de temps pour faire un pain. Et tout ça est cuit dans un four à bois. Donc c'est un pain au levain que vous pouvez garder la semaine sans problème. Après, nous sommes sur Pau tous les mercredis et samedis matin sur le marché de Bière. Mon nom, c'est la boulangerie du Pélitoy. Bonjour, donc Joël Bac, je suis installé en Lot-et-Garonne, je suis artisan apiculteur, je fabrique notamment du pain d'épices cuit en grande plaque, donc des plaques de 18 kg, avec 8 variétés différentes, dont l'ortie, le voilà. Donc après je fais aussi du miel à l'ail noir, un miel donc qui est un condiment auquel je rajoute donc l'ail noir qui est donc fabriqué en Lot-et-Garonne. Donc c'est un ail fermenté et ça fait un bon condiment pour aller sur magret, foie gras, accompagné d'un fromage, des marinades, des vinaigrettes. Voilà, après donc j'ai 8 miels différents et une cervoise, c'est une bière au miel et aux épices, voilà, qui est en fait le pendant liquide du pain d'épices. Voilà, donc ça fait 20 ans là, maintenant que je suis installé en agriculture biologique. Ouais, je suis Monsieur Sarakian et on fait les partout salon bio bien-être et ici sur à Pau on fait deux fois l'année. On vous présente bicarbonate, percarbonate et acide citrique. C'est les produits multi-usages, on utilise un petit peu partout. Après on fait l'ortie pour reminéraliser notre corps car l'ortie c'est mine d'or pour notre santé. Il y a plein fer, plein silice, vitamines et légumes pour les peaux, pour les cheveux, pour les ongles. Mais surtout, je voulais vous parler pour les granates et les dattes. Les grenades, c'est un des plus vieux fruits dans le monde, fruit de biblique. Il y a toutes les vertus dedans. Bourré de polyphénol, ça nettoie toutes les radicaux libres sur notre organisme. En plus, les grenades, c'est pas les jus de grenade, c'est concentré de grenade. 65 fois plus concentré que jus de grenade. Et ça, c'est mine d'or. Après, je peux parler beaucoup plus que ça, mais on fait les vinaigres balsamiques de date. Ça, c'est unique en Europe. Et tous les grands chefs cuisiniers, ils ont raffolé de celle-là. Il faut minimum goûter. Et on fait les sirops de date. Sirop de date, parce que les dates mazafati, juste pressées, source d'énergie, beaucoup fer, beaucoup silicium. Comme les sucres alternatifs, on peut utiliser un peu partout, comme les miels, comme les confitures. Merci. Bonjour, donc je suis Romain Machicotte de la conserverie de poissons Bâtier-les-Coups, Jean de Luz, au Pays Basque, donc à Saint-Jean de Luz. Et donc nous sommes transformateurs de poissons. Donc nous achetons principalement du thon et de la sardine à la criée de Cibourg-Saint-Jean de Luz, que nous ramenons donc à notre conserverie qui se situe à 10 minutes. Et donc là-bas, nous élaborons nos recettes. Donc nous faisons des terrines de poisson, donc sardines, thon ou maquereau. Différentes recettes avec de l'ail, de l'oignon ou de la tomate. Ensuite, nous faisons des filets, donc des classiques, donc du thon à l'huile, des sardines à l'huile au citron, thon à l'huile au piment, etc. Et enfin, nous faisons aussi des plats cuisinés. Donc, c'est des plats pour deux personnes, donc déjà préparés. Donc, il suffit de les réchauffer. Et ça se consomme avec du riz, des pâtes, des pommes de terre. Donc, voilà, différentes manières de les consommer. Et dernière nouveauté, nous avons ressorti depuis peu du bâti de thon. Donc, c'est du thon qui est salé et séché. Donc nous sommes les seuls à proposer ça, c'est un produit assez, assez original. Ça s'approche en termes de conservation du jambon ou du saucisson. Et en fait c'est tout simplement une longe de thon qui va sécher une dizaine de jours, que l'on va mettre sous vide. Et donc il va être vendu donc voilà, en morceaux de 150 à 200 grammes, tel quel, sans ajout. Donc voilà, ça c'est la dernière nouveauté. Pour être un peu plus précis, donc tous les ingrédients que nous ajoutons au poisson, donc tout ce qui est agricole, donc l'huile, le piment, le citron, etc., sont issus de l'agriculture biologique, bien sûr. Et nous utilisons que du verre, donc pas de boîte métallique chez nous, que du verre. Et aussi, nous essayons de nous approvisionner le plus possible en local, parce que c'est bien beau d'utiliser le terme bio, mais si on achète l'huile à l'autre bout de l'Europe et pareil, les différents condiments à l'autre bout du monde, plus aucun intérêt. Donc voilà, là, cette année, on est à 75% de local, c'est-à-dire à moins de 100 km autour de chez nous. Et l'objectif l'an prochain, voilà, c'est de s'approcher des 100% pour tous les ingrédients, ainsi que pour l'emballage, le verre, etc. Voilà, c'est notre but à court terme. Merci. Oui, bonjour. Voilà, moi, je suis Edith Perry, je suis présidente du CEPAF, le Comité européen pour la protection des animaux. Donc nous sommes une association de protection des animaux généraliste, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait se mobiliser pour les éléphants en Afrique en faisant signer des pétitions, comme essayer de sauver et d'apporter des soins aux animaux domestiques trouvés, etc. Voilà, donc nous avons en ce moment une action de sauvetage de poules d'abattoir, donc livraison en février 2020. Voilà, ce sont des poules que l'on va sauver de l'abattoir et donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées, on demande à ce que ces poules finissent leur vie d'une manière paisible. Voilà, donc si les personnes sont intéressées, c'est quand même une action terriblement bienveillante et efficace. Voilà, on peut appeler le CEPAF au 06 088 03 43 40. Voilà. Nous essayons aussi de sensibiliser les gens au fait qu'ils stérilisent leurs animaux, parce que nous sommes, après nous, les associations de défense des animaux, complètement dépassées. Ça nous coûte énormément d'argent, donc c'est très important de faire stériliser ces animaux, que ce soit des chiens ou des chats. Bonjour, alors vous êtes ici sur le stand d'Animal Cross, qui est une association de protection animale généraliste, c'est-à-dire qu'on protège tous les animaux. Aujourd'hui, on est sur le salon de la Sfaudel, pour parler de la faune sauvage notamment, et notamment d'un livre sur la chasse qu'on vient d'écrire qui s'appelle Vocation, l'animal sujet de droit, proposition pour de nouveaux horizons. C'est-à-dire qu'on parle de la faune sauvage, de l'utilité de la faune sauvage et des problèmes que la chasse peut poser à la faune sauvage et des solutions qu'on peut trouver ensemble. C'est un livre qui propose plein de solutions. Vous pouvez trouver ce livre sur notre site internet www.animal-cross.org. Comme tous les jeudis, en fin d'après-midi, émission dédiée à la vie de quartier. Dédiée à la vie de quartier. RPO 97 FM. RPO 97 FM, il est 16h30. Bon voilà, nous avons eu la première, la deuxième partie du reportage que nous avons réalisé sur le salon Asphodel 2019. Donc c'est une C'est une belle édition. Hein. Je discutais ce matin avec un des organisateurs qui m'expliquait que le salon a dû recevoir au total environ 12 000 visiteurs cette année, semble-t-il assez en hausse par rapport à l'an passé. Voilà. Donc on va maintenant se faire une petite pause musicale, la deuxième de l'émission, avant de revenir sur des interviews. Alors ensuite, nous aurons, je vous l'annonce, une interview d'une entreprise associative, centre de formation plutôt, sur l'environnement, les stages, qui organisent des stages à l'environnement, essentiellement pour les jeunes. Hein. Voilà. Et puis ensuite, on aura une interview de Greenpeace, qui avait un stand à ce salon. Et enfin, Enercop, je vous en parlerai. Voilà, on en reparle après la pause musicale. RPO 97 FM, il est 16h35, l'émission Ça bouge reprend. Donc comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on va maintenant entendre successivement trois interviews. Une d'un centre de formation qui est situé sur Buzy, non loin d'Arudy, entre Pau et Lauron, et qui organise des stages à l'environnement. Bonjour. Donc je me promène dans les allées, je viens de faire l'interview d'une organisatrice d'Asphodel pour la 24e année. Et donc Moi, je suis chroniqueur dans une émission qui s'appelle Ça bouge, qui a lieu le jeudi après-midi de 16h à 18h en général. Et donc, je suis assez sensible à tout ce qui touche à l'éducation. Donc, moi, j'ai vu marquer éducation à l'environnement. Donc, vous, vous êtes quoi? Une association? Alors, nous, on représente un centre de formation éducation environnement 64 qui est situé à Buzy, entre Pau et Oloron. Et donc, on fait de l'éducation à l'environnement, comme son nom l'indique. C'est une association aussi qui propose des séjours. Ouais. En plus, ce centre de formation. Tout à fait, voilà. Donc, vous êtes habilité centre de formation. Nous, on est habilité centre de formation et centre de loisirs également. Hein, donc, voilà, on fait les deux. Donc, on propose des BAFA, BAFD, des formations BAFA, BAFD. Donc, toujours avec cette orientation animation nature, donc avec des bivouacs, etc. Vraiment orienté environnement. Et puis, le centre de formation propose aussi un BPGEPS. C'est une formation plus longue d'un an et demi pour devenir animateur nature, quoi. Voilà. Et éventuellement directeur de centre de loisirs, etc. Donc voilà, il y a différentes orientations aussi, quoi. Et donc on propose des séjours également, donc des séjours d'été, donc sous la forme de bivouac pour les enfants. Donc c'est vrai que de 6 à 14 ans, effectivement. Et donc autour de Buzy, on va se promener avec un âne, on part à l'aventure, c'est super, voilà. Et puis on a également un club nature, donc tous les mercredis, vous pouvez vous inscrire à la journée, donc c'est pour les enfants de 6 à 11 ans, et pareil avec sensibilisation à l'environnement, toujours, ils partent, pareil, à l'aventure, sur Buzy, la découverte des petites bêtes et autres, Bon, tout ça est très intéressant, donc ça s'adresse, vous avez des gens au plan local, beaucoup, je suppose, qui viennent pratiquer. Alors, les séjours nature, été, hiver et printemps, on reçoit aussi des gens de toutes parts, hein, c'est ouvert vraiment au niveau national et au-delà, hein, voilà. Enfin, au-delà, peut-être pas, mais au niveau national en tout cas. Et donc les formations, c'est pareil, comme ça intéresse un public qui est déjà peut-être un peu sensibilisé ou qui a envie de... Il y a des gens de partout qui viennent, nous, en BPGEPS, là, on est en formation BPGEPS actuellement, donc il y a des gens qui viennent du sud-est, il y a des gens qui viennent de Poitiers, donc c'est vraiment... c'est ouvert à tout le monde, quoi. D'accord, donc c'est une spécialisation un peu de la branche animation. Tout à fait, hein, c'est l'éducation populaire avec une mention environnementale. D'accord. Ok, est-ce que vous voyez autre chose qui pourrait intéresser les auditeurs par rapport à votre centre de formation, éduquer, enfin juste peut-être dire que éduquer à travers la nature et l'environnement, c'est vraiment intéressant, c'est enrichissant et les enfants adorent. C'est une autre démarche, ouais. D'accord. Tout à fait. Au niveau de l'encadrement, vous n'avez que des gens diplômés, comment ça se passe? Alors c'est-à-dire ce sont des gens diplômés, bien sûr. Alors pour les séjours, c'est soit des animateurs BAFA, soit des animateurs BPGEPS. Et puis, nous, dans le cadre de notre formation, parce qu'on est en formation, c'est pareil, on a des accompagnateurs de moyenne montagne qui nous forment. On a Louis Espinassou, donc qui est un compteur berger assez réputé. Donc c'est que des gens qui sont dans le milieu, en tout cas, voilà. Ok. Fin d'après-midi, émission dédiée à la vie de quartier. RPO 97 FM, on se retrouve pour l'émission Ça bouge, c'est la suite. suite. Il est 16h27. Nous avons maintenant, nous allons écouter en continu deux autres interviews. Une de Greenpeace, qui avait son salon, un salon à Asphodel, et puis Enercop, sur lequel je reviendrai après, qui est une entreprise d'énergie 100% verte, réellement, hein, pas comme certains le disent dans certaines publicités actuelles. Donc d'abord Greenpeace et ensuite Enercop, à tout de suite. Quel est le combat principal que vous menez au niveau de Greenpeace? Alors, de manière générale, Greenpeace, il y a quatre grands thèmes de campagne. Il faut savoir que le travail de Greenpeace, de l'association, donc, c'est de contenir l'emballement du climat et lutter contre la perte de biodiversité. Donc, quand on parle de ça, on ne peut pas faire l'impasse sur l'agriculture et l'élevage intensif. Donc, on travaille beaucoup sur cette campagne-là. Protection des océans, protection des forêts et transition énergétique. Donc, quand on parle de protection des forêts, forcément, il y a 80% de la déforestation qui est liée à l'agriculture et à l'élevage intensif dans les bassins tropicaux. Donc, c'est deux campagnes qui se recoupent. Protection des océans, on a lancé la campagne là en début d'année, Protect the Oceans. Donc l'objectif, c'est d'arriver à un réseau d'air marine protégé de 30% de la surface totale des océans. Parce qu'il y a un gros enjeu, il y a énormément de menaces qui pèsent sur les océans. Et comme les forêts, c'est une partie de l'oxygène qu'on respire. Et transition énergétique, sortir de la dépendance massive aux énergies fossiles, donc pétrole, gaz et charbon. Et sortir du monopole du nucléaire aujourd'hui en France, puisqu'on est le pays le plus nucléarisé au monde. Et que c'est un verrou au développement des énergies renouvelables. On est d'accord. Voilà. Ok, oui, j'entends. Très bien. Donc ici, vous avez eu beaucoup de monde qui se sont arrêtés. Ça intéresse. Vous avez eu des adhésions? Alors oui. Alors de manière générale, depuis le dernier rapport du GIEC en 2018, donc pas celui sur la cryosphère, mais le précédent, on a quand même noté un sursaut massif de la population. Donc il y a un éveil des consciences et il y a une prise de conscience. De là à passer à l'action, c'est toujours un pas, qui est peut-être pour certains encore un petit peu difficile à franchir. Mais on a beaucoup, en termes de sensibilisation, de personnes qui sont intéressées. Et en termes d'adhésion, hier, ça a été pas mal. Aujourd'hui, c'est un petit peu mou. Donc j'espère que ceux qui écouteront pourront venir rejoindre l'association. D'accord. Oui, ok. Merci. Merci à vous. C'est quoi Enercop alors? Donc Enercop, c'est un fournisseur d'énergie, comme il en existe un certain nombre depuis qu'effectivement le marché domestique, on va dire, d'énergie a été ouvert. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et donc un fournisseur d'énergie, c'est une structure qui achète de l'énergie à des producteurs pour la revendre à des clients, des consommateurs. Ça, c'est le principe. Et donc, ce qui caractérise Enercop par rapport à ça, c'est essentiellement deux points. D'une part, Enercop, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable et garantie renouvelable, parce que sans entourloupe, on va dire, et d'ailleurs les classements de Greenpeace ou de l'ADEME sont sans équivoque par rapport à ça, donc ils sont extérieurs à Enercop. Parce qu'en fait, Enercop se fournit en électricité auprès de producteurs qui sont parfaitement identifiés et qui sont en contrat direct entre les deux. Donc on sait très bien, et même les clients d'Enercop savent qui sont les fournisseurs, et même dans certains cas on peut les leur rendre visite si on le souhaite. Donc ça, c'est une première chose, donc c'est une garantie absolue, alors qu'en fait il y a plein d'offres qui sont qualifiées de vertes où on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, d'autant plus que dans des mécanismes complexe qu'on va peut-être pas détailler maintenant, mais il est possible d'acheter des étiquettes vertes qu'on peut coller sur de l'énergie qui n'est pas verte du tout. Donc c'est quand même un gros souci. Voilà. Donc ça, chez Enercop, ça ne peut pas exister parce que ce sont des contrats directs. Et donc ces contrats avec les producteurs d'énergie, qui sont tous des petits producteurs ou des collectivités locales, soit des indépendants, ou des collectivités locales, ou, et de plus en plus, des groupements de citoyens, des gens qui sont regroupés pour développer un projet collectif. D'accord. Donc il y a un contrat qui est passé, et le contrat d'Enercop, c'est un contrat qui est fait pour donner de la sécurité à ces producteurs, notamment il y a une garantie dans le temps, en fonction du type d'installation, et il y a des contrats chez Enercop qui peuvent durer 30 ans. Donc 30 ans, Enercop garantit d'acheter toute la production, ou celle qui est contractualisée, toute la production d'un producteur, à un certain prix, un prix qui est délibérément un prix de soutien, qui est un peu plus que le marché en général, parce que l'idée, c'est de faire en sorte qu'ils se développent, qu'ils existent, qu'ils fonctionnent normalement, considérant qu'il y a un vrai prix de l'énergie et qu'il est pris en compte. Alors ça, c'est la première caractéristique des NERCOP. La deuxième caractéristique des NERCOP, c'est une structure très décentralisée, partout, et qui fonctionne de façon coopérative, à travers donc des coopératives régionales, hein, et qui se mettent... L'objectif, c'est d'être au plus près de groupements, de groupes de consommateurs et de producteurs. Et dans ces coopératives, c'est des sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les consommateurs, les clients, les producteurs, les salariés, qui ont la compétence, les compétences techniques, et il en faut beaucoup, nécessaires, et puis aussi des partenaires, par exemple, quand il y a des collectivités locales qui sont impliquées dans des projets, qui peuvent elles-mêmes devenir, c'est pas obligatoire, mais devenir elles-mêmes sociétaires de la coopérative. Donc tout le monde se retrouve dans la même entité locale, hein, et donc participe aux assemblées générales, aux orientations. Alors, par exemple, sur certains aspects, il y a des petites différences de priorité entre la coopérative d'ici, d'Aquitaine, et celle d'à côté, historiquement, de Midi-Pyrénées. Hein, voilà. Vous êtes, c'est la coopérative Aquitaine, donc. Oui. Qui regroupe vraiment l'Aquitaine, pas la nouvelle Aquitaine. Alors, pour le moment, juridiquement, elle est encore l'Aquitaine, parce que bah, les autres régions étaient ailleurs. Ça fait grand. Mais en fait... La réflexion, et plus que la réflexion, est en cours, parce que bah, entre autres, Poitou, Charente est une région très active, ouais. Truc, et en fait, Poitou, Charente était réattaché à une très grande région qui couvrait tout le centre de la France, et donc en fait, l'idée, c'est que on fasse une NERCOP nouvelle Aquitaine, hein, et donc je pense probablement à la prochaine assemblée générale, parce qu'évidemment, il faut que ça soit voté et mis en place, en mesurer les incidences, hein, parce que ça suppose de renforcer l'équipe, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr, on en débattra. D'accord. Je ne sais pas si on l'adoptera. Il y a des chances. Personnellement, je pense qu'il y a des chances. Mais en tout cas, c'est sur la table. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est cette caractéristique-là. Et alors, ceci étant dit, on peut décider d'être client d'Enercop pour des raisons de qualité de l'énergie, si je puis l'exprimer ainsi, et ne pas souhaiter être sociétaire parce qu'on n'a pas envie ou on n'a pas le temps ou les moyens de s'impliquer un peu dans la vie coopérative. Donc il n'est pas obligatoire d'être. C'est évidemment vivement encouragé. Hein, et en gros, on peut considérer qu'il y a un peu plus de la moitié des clients qui sont sociétaires, ce qui veut dire qu'il y en a presque la moitié qui ne le sont pas. Donc c'est, il y a une très grande liberté par rapport à ça. Émission dédiée à la vie de quartier. Dédiée à la vie de quartier. Cause I wonder how the closest go on slow. RPO 97 FM, ça bouge, arrive à son terme pour aujourd'hui. Émission un peu plus courte, essentiellement à base de reportage sur le salon Asphodel. Pour cette émission, en fait, sera la dernière de l'année. Nous nous retrouverons en 2020. Sur notamment une émission programmée le 9 janvier sur la justice restaurative, hein, avec des invités multiples qui est en cours de préparation. Il me reste à vous souhaiter à tous, à toutes, de joyeuses fêtes, que la vie vous soit la plus douce possible, et on se retrouvera avec vraiment beaucoup de plaisir en 2020. Le programme va continuer, musical, et vous allez retrouver à 18h, comme toujours, Passe-Muraille. Un Passe-Muraille qui va être un petit peu modifié. Anaïs, qui a toute notre affection, est indisponible ce soir et la semaine prochaine, et donc l'émission va être prise en compte par Lorenzo, un ami de la radio qui arrive depuis peu et qui va au pied levé très gentiment animer l'émission Passe-Muraille. Je vous dis à l'année prochaine et merci pour votre écoute. Au revoir à tous, au revoir à toutes.